Deuxième livre de Samuel, chapitre 23. Or ce sont ici les dernières paroles de David. David fils d'Isaïe, l'homme qui a été élevé, pour être loin du Dieu de Jacob, et qui compose les doux cantiques d'Israël, dit, « L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole a été sur ma langue. » Le Dieu d'Israël a dit, « Le rocher d'Israël m'a parlé, en disant, le juste dominateur des hommes, le dominateur en la crainte de Dieu, et comme la lumière du matin quand le soleil se lève, du matin, dis-je, qui est sans nuage, il est comme l'herbe qui sort de la terre après la lumière du soleil quand il paraît. Après la pluie. Mais il n'en sera pas ainsi de ma maison envers le Dieu fort, parce qu'il a traité avec moi une alliance éternelle bien établie, et assurée, car c'est tout mon salut, et tout mon plaisir, c'est pourquoi il ne fera pas simplement germer ma maison. Mais les méchants seront tous ensemble, comme des épines qu'on jette au loin, parce qu'on ne les prend point avec la main. Mais celui qui les veut manier, prend ou du fer, ou le bois d'une hallebarde, et on les brûle entièrement sur le lieu même. Ce sont ici les noms des vaillants hommes que David avait. Joseph Bazobet Tachkémonite, était un des principaux capitaines, c'était Adinolatsnit, qui eut le dessus sur 800 hommes qu'il tua en une seule fois. Après lui était Éléazar, fils de Dodo, fils d'Aoï, l'un de ces trois vaillants hommes qui étaient avec David, lorsqu'on rendit honteux les Philistins assemblés là pour combattre, et que ceux d'Israël se retirèrent. Il se leva, et battit les Philistins, jusqu'à ce que sa main en fût lasse, et qu'elle demeura attachée à l'épée. En ce jour-là l'Éternel accorda une grande délivrance, et le peuple retourna après Éléazar, seulement pour prendre la dépouille. Après lui était Sama fils d'Ani Ararite, car les Philistins s'étant assemblés dans un bourg où il y avait un endroit d'un champ plein de lentilles, et le peuple fuyant devant les Philistins, il se tint au milieu de cet endroit du champ, et le défendit, et frappa les Philistins, tellement que l'Éternel accorda une grande délivrance. Il en descendit encore trois d'entre les 30 capitaines, qui vinrent au temps de la moisson vers David, dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une compagnie de Philistins était campée en la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et la garnison des Philistins était en ce même temps là à Bethléem. Et David fit ce souhait, et dit, « Qui est-ce qui me ferait boire de l'eau du puits, qui est à la porte de Bethléem ?» Alors ces trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem, et l'ayant apportée, ils la présentèrent à David, lequel n'en voulut point boire, mais il la répandit en présence de l'Éternel. Car il dit, « Qu'il ne m'arrive jamais, ô Éternel, de faire une telle chose. N'est-ce pas là le sang de ces hommes qui ont fait ce voyage au péril de leur vie ?» Il n'en voulut donc point boire. Ces trois vaillants hommes firent cette action-là. Il y avait aussi Abisaï frère de Joab fils de Tseruja, qui était un des principaux capitaines, celui-ci lançant sa hallebarde contre 300 hommes, les blessa à mort, et il s'acquit un grand nom entre les trois. Ne fut-il pas le plus estimé entre ces trois-là, c'est pourquoi aussi il fut leur chef, cependant il n'égala point les trois premiers. Benaja aussi fils de Jéhojada, fils d'un vaillant homme, de Captléel, avait fait de grands exploits. Il frappa deux des plus puissants hommes de Moab, il descendit aussi et frappa un lion dans une fosse en un jour de neige. Il frappa aussi un homme égyptien, qui était un bel homme. Cet égyptien avait en sa main une hallebarde, mais Benaja descendit contre lui avec un bâton, arracha la hallebarde de la main de l'égyptien, et le tua de sa propre hallebarde. Benaja fils de Jéhojada fit ces choses-là, et fut illustre entre les trois vaillants hommes. Et fut plus honoré que les 30, encore qu'il n'égala point ces trois-là, c'est pourquoi David établit sur ces gens de commandement. Azaël, frère de Joab, était des 30, Elhanan fils de Dodo, de Bethléem, Sama Arodite, Elika Arodite, Elepaltite, Ira fils d'Ik, Tekoïte, Abiezé Anatotite, Mobune Usatite, Salmon Aoïte, Maharaï Netophatite, Elep fils de Baana Netophatite, Itaï fils de Ribaï de Giba des enfants de Benjamin, Benaja Piratonite, Idaï des vallées de Gera, Abialbon Arbatite, Azmavet Barumite, Eliash Bassa Albonite. Des enfants de Jezan, Jonathan, Samararite, Ayam fils de Sarararite, Eliphelé, fils d'Azbaï, fils de Maakati, Eliam fils d'Achitophel Gilonite, Etzeraï Carmélite, Paraï Arbite, Jigéal fils de Nathan de Tsobaa, Bani Gadite, Tselaï Ammonite, Naharaï Bérotite, qui portait les armes de Joab fils de Tseruja, Ira Jitrite, Gareb Jitrite, Uri Étien, en tout 37.